hors service par des services de systèmes de guerre électronique. Selon le Kremlin, aucun blessé, aucun dégât enregistré. Les autorités ukrainiennes, quant à elles, ont refuté les déclarations de Moscou, soulignant que l'Ukraine n'a rien à voir avec les attaques de drones contre le Kremlin. Selon un conseiller du président ukrainien Podolyak, de tels propos mis en scène par la Russie doivent être considérés comme une tentative pour trouver un prétexte pour une attaque terroriste d'ampleur en Ukraine. Une telle attaque, si elle était effectuée par Kiev, ne résoudrait aucun problème militaire. Washington a pris du recul. À ce sujet, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a réagi à cet effet. « J'ai vu les informations, je ne peux pas les valider, on ne sait pas, je prendrai tout ce qui sort du Kremlin avec beaucoup de précautions. » Fin de citation. Une attaque qui intervient, il faut le dire, à quelques jours de la commémoration de la victoire de l'URSS lors de la Seconde Guerre mondiale. Comment expliquer ce suivant de drones qui se cache derrière? À qui pourrait profiter la disparition du président russe? Cette attaque est-elle un facteur d'envenimation des rapports entre ces deux puissances? À quand une accalmie entre ces États? Mesdames, Messieurs, lutte contre le terrorisme en Afrique, un sujet qui cristallise davantage les attentions. Selon cette indiscrétion, des terroristes ont été interpellés avec des équipements par les services de renseignement du Sud-Soudan. Ceux-ci transférés au service de renseignement de la Guinée équatoriale pour l'extradition. Certaines puissances occidentales indexé à cet effet. Certains géopoliticiens affirment, je cite, que l'Espagne a indexé dans la déstabilisation du golfe de Guinée. Le fait que l'Espagne soit indexée n'est pas fortuit. Il convient de souligner que Malabo a dénoncé, je cite, une féroce campagne médiatique internationale afin de déstabiliser, mais également de dénigrer l'image du pays. Du matériel militaire, donc, tel que des radios de communication, des uniformes militaires avec le drapeau espagnol et d'autres matériels de guerre. Des observateurs étrangers parlent d'une obsession de l'Occident. Que se passe-t-il véritablement? Lutte contre le terrorisme, des terroristes interpellés, quels sont les commanditaires? Mesdames, Messieurs, bienvenue au rendez-vous du savoir. Afrique Média, le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Russie, Ukraine, le torchon ne cesse de brûler, une situation entre ces deux États qui cristallise toujours les attentions. Le Moscou qui a dénoncé une attaque terroriste à l'endroit du président Vladimir Poutine, tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine. Il convient de le souligner, aucun dégât matériel, aucune perte en vie humaine, aucun blessé à cet effet. Pour les autorités ukrainiennes, elles ont plutôt refuté les déclarations de Moscou en soulignant qu'il s'agit juste d'une situation qui ne touche pas directement l'Ukraine. Et à cet effet, à qui pourrait profiter la tentative, l'assassinat ou alors la disparition du président russe Vladimir Poutine? Mesdames, Messieurs, un autre sujet qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive, lutte contre le terrorisme. Et le terrorisme, on en parle ce soir dans le cadre du continent africain, précisément la Guinée équatoriale, le Sud-Soudan. Les services de renseignement du Sud-Soudan ont interpellé des terroristes ainsi que leurs équipements. Et ces derniers ont été transférés du côté des services de renseignement de la Guinée équatoriale pour l'extradition. De multiples interrogations demeurent. Que se passe-t-il véritablement? Quels sont les commanditaires? Et pour en parler ce soir, des experts, comme à l'accoutumée, des experts de haute facture. Monsieur Adrien Bokeh, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Céleste, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est encore une joie d'être parmi vous ce soir. Après un bon bout, merci d'être là. Vous êtes journaliste indépendant de guerre, auparavant militaire français. Un autre invité, et pas des moindres, Monsieur Tefousmane. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Tepel. Encore une fois, merci de m'inviter. Merci à toute l'équipe d'Afrique Média et bonsoir à nos téléspectateurs, bien entendu. également dans le cadre de ce programme Madame Linda Labaoui. La réalisation nous fait des signes. Bonsoir. Alors, le temps de permettre à Madame Linda Labaoui de nous rejoindre, il convient de le souligner, elle est spécialiste des questions sécuritaires, analyste politique. On aurait également dans le cadre de ce plateau central, ici au siège de la télévision panafricaine, Maître Janvier Momo, qui est juriste, mais également Docteur Dominique Yantimba, qui est économiste, Monsieur Jonathan Batengene, sociopolitiste. Mais avant, avec vous, M. Adrien Bokeh, on parle bien sûr de ces tentatives d'assassinat du président russe Vladimir Poutine. Et à cet effet, les autorités de Moscou ont pointé un doigt accusateur sur l'Ukraine qui, les autorités ukrainiennes, quant à elles, ont dénoncé cela, ont refuté ces allégations par rapport à, de prime abord, comment expliquer ce survol de drones au Kremlin? Bien sûr. Alors tout d'abord, je vais rappeler aux téléspectateurs donc les informations qu'on a pu avoir hier et les nouvelles informations que j'ai pu avoir aujourd'hui. Tout d'abord, à bien comprendre et à bien préciser, ce sont donc deux drones de type civil qui ont été modifiés en drones kamikazes avec visiblement des éléments américains, c'est-à-dire de géolocalisation et infrarouge. Voilà pour les informations techniques. Deuxième information, aucun drone n'a survolé ou a tenté ou a essayé de passer les systèmes antiaériens moscovites, donc de Moscou, car ce sont des drones qui ont décollé du centre-ville de Moscou. Ça, c'est aussi une information extrêmement importante à bien retenir parce qu'actuellement, l'Occident s'interroge sur la véracité de ces images que je vous confirme étant extrêmement réelles. Et il se pose la question également, comment avec des systèmes aussi perfectionnés que la Russie et notamment Moscou, des drones auraient pu passer ce système et ce bouclier, on va dire, antiaérien de Moscou. Tout simplement, aucun drone n'a passé ce système antiaérien de Moscou, car, je le répète, ces deux drones de type civil modifiés en drones kamikaze ont décollé directement du centre-ville de Moscou. On ne sait pas encore où exactement, précisément, du moins médiatiquement. Je pense que le FSB, les services secrets russes, se réserve le droit encore de dire à quel endroit exactement ces drones ont été mis en vol. Je le rappelle pour information, ces drones de petite taille peuvent très bien être mis en vol dans un appartement et sortir d'une fenêtre d'un appartement et prendre une direction comme l'a été au niveau du Kremlin. Ces drones n'ont pas volé plus de 2 minutes, ça c'est une information qui est sûre, et ils n'ont pas dépassé les 60 mètres d'altitude. Donc ce qui reviendrait sur l'utilisation de ces petits drones civils modifiés en drones kamikaze. Ça c'est les informations d'hier, les informations d'aujourd'hui. Je vais vous les donner. Donc le FSB ces derniers jours et notamment aujourd'hui ont déjoué des activités d'un réseau de renseignement du ministère ukrainien. Le réseau terroriste prévoyait de commettre donc des séries d'attentats en Russie et principalement en Crimée, mais aussi à Moscou. Il y a eu donc 7 individus qui ont été arrêtés en Crimée et 2 à Moscou. On ne sait pas exactement les lieux, mais nous avons au moins donc le nombre des individus qui ont été arrêtés. Ces individus donc ont été retrouvés pendant cette arrestation et cette perquisition des détonateurs, des explosifs et des grenades modifiées. Le FSB précise également que ces explosifs ont été donc introduits en Russie via la Bulgarie, donc via visiblement un réseau terroriste en lien avec les services de Kiev et ukrainiens qui feraient et qui font passer donc des explosifs par la Bulgarie en direction de la Russie. Le FSB nous précise également que des meurtres étaient prévus sur des hauts fonctionnaires civils de la Russie et principalement le gouverneur de Crimée, qui n'est plus ou moins Sergueï Aksionov, qui était le principal visé au niveau de ces hauts fonctionnaires, mais ils étaient ils ont retrouvé donc une dizaine de listes avec des 11 fonctionnaires, excusez-moi, de Crimée principalement, mais également moscovites. Ces hommes qui ont été arrêtés sont également responsables du sabotage des lignes de chemin de fer qui avaient été perpétrées en février dernier. Donc voilà pour les informations d'aujourd'hui. Donc je le répète, donc 7 interpellés en Crimée et 2 individus interpellés donc à Moscou. Les engins explosifs retrouvés lors des perquisitions sont venus et viennent donc d'un réseau intermédiaire directement de Bulgarie. Donc voilà les informations aujourd'hui que j'ai pu donc prendre auprès des services secrets, donc du FSB, des services secrets russes. Et je le rappelle encore une fois, donc ce sont bien des drones de type civil modifiés en drones kamikaze qui ont été donc mis en vol du centre-ville de Moscou, qui ont volé moins de 2 minutes en direction du Kremlin. Et comme vous l'avez justement dit tout à l'heure, ce sont donc des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes, donc pas anti-aériens, mais des systèmes automatiques, on va dire, proches, qui ont donc fait exploser à quelques mètres des toits du Kremlin. Ce sont ni plus ni moins des mitrailleuses automatiques qui sont là, si vous voulez, effectivement, pour abattre tout ce qui serait de système aérien, également hélicoptère, etc., qui pourrait s'approcher des toits du Kremlin. Donc, pour bien préciser aux téléspectateurs, ces systèmes anti-aériens de courte portée sont les derniers systèmes automatisés avant de pouvoir introduire le Kremlin. Donc, ces systèmes automatisés qui sont mis sur les toits du Kremlin sont également positionnés sur plusieurs toits différents de plusieurs monuments de Moscou. Et effectivement, on a pu s'apercevoir de l'efficacité de ces systèmes qui n'avaient toujours pas été utilisés, on va dire, en système réel, d'une menace réelle. Ça a été le cas donc il y a quelques jours. On peut donc s'apercevoir que même ces systèmes qui n'avaient jamais servi à Moscou sont une réussite totale, puisqu'ils ont réussi donc à neutraliser ces 2 drones de type civil modifiés donc en drones kamikazes qui ont été donc neutralisés à quelques mètres au-dessus des toits du Kremlin. Alors merci Monsieur Adrien Bouquet pour ces précisions qui viennent justement des services secrets de la Fédération de Russie. Avant de poursuivre justement avec les invités sur ce plateau, nous allons prendre un reportage de nos envoyés spéciaux depuis Moscou, M. Aboubakar Sidik et M. Louis Biben, qui représentent valablement la télévision panafricaine du côté de la Fédération de Russie, juste après la suite du décryptage de ces sujets de haut vol. Madame, Monsieur, merci pour votre confiance. Vous avez choisi de rester sur Afrique Média et vous avez raison. Votre chaîne panafricain de retour en Russie est cette fois-ci pas n'importe où. À la base de l'organisation dont on parle le plus à travers le monde entier, et vous avez compris, l'organisation Wagner. Pour certains, c'est un groupe terroriste. Pour d'autres, ce sont des mercenaires. Et pour une troisième catégorie de personnes encore, ce sont des forces salvatrices qui œuvrent dans le renforcement des capacités des armées à travers le monde et bien sûr dans la formation de l'élite militaire. Afrique Média est venue en Russie pour toucher du doigt les réalités de cette organisation. Qu'est-ce que c'est que Wagner au fond? C'est ce que nous allons tenter de vous faire découvrir à travers des sons, des images, des interviews exclusives pour votre bonne information. Restez, ne partez pas, restez accrochés sur votre chaîne Afrique Média, le monde, c'est nous. Que

avec d'instruments capables de nuire. Ça veut dire qu'il s'agit là d'un drone qui a été transformé, qui a été équipé sciemment pour atteindre un objectif principal. Cet objectif, c'était d'attaquer le Kremlin. Et qui est au Kremlin? Le locataire du Kremlin, c'est qui? Bien évidemment, c'est Vladimir Poutine. Donc, nous pouvons dire qu'il s'agit là de la phase asymétrique de la guerre. Et la phase asymétrique aujourd'hui s'identifie par l'usage des engins asymétriques. Vous ne voyez pas le drone venir, il ne prévient pas que ce n'est pas un avion qu'on peut détecter au moment où l'avion décolle. C'est un drone qui, et les spécialistes de l'autre côté l'ont précisé, peut quitter à partir d'une maison, à partir d'une chambre ou à partir d'un lieu qui n'est pas toujours un lieu public. Donc c'est du terrorisme, parce que lorsqu'on entre dans la guerre asymétrique, on entre naturellement dans le terrorisme. Et je suis d'accord avec Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui parle naturellement d'une attaque terroriste contre Vladimir Poutine. Alors, ce qui est intéressant, c'est la réaction de l'Ukraine, parce que le 15 mars dernier, lorsque le drone américain, le Reaper MQ-9, c'est-à-dire un drone américain, celui qui a remplacé le Predator avait été utilisé par les Américains dans la lutte contre les terroristes en Afghanistan, en Irak et même en Syrie, terroristes entre guillemets, parce que nous savons qui sont terroristes et qui ne le sont pas. Alors, c'est un drone le 15 mars a violé l'espace, la zone de sécurité au-dessus de la mer Noire. Et la Fédération de Russie, la défense russe n'a pas attendu. Elle a immédiatement réagi par deux Sukhoi 57 qui sont allés à l'encontre de ce drone qui avait franchi la ligne tracée par la Russie, la ligne de sécurité dès le 24 février 2022, date du début de la crise de la crise contre l'Ukraine. Alors, les deux Sukhoi ont mis hors d'état de nuire le drone Reaper. Cela veut dire que l'attaque de la semaine dernière, c'est une attaque qui non seulement est véritablement asymétrique, mais c'est une attaque qui suscite plusieurs interrogations parce que les auteurs se sont rapprochés beaucoup plus de la cible. N'oubliez pas, le 24 février 2022, Vladimir Poutine est la cible principale. La cible principale de ces actes terroristes que l'Ukraine et tout l'OTAN s'apprêtent à engager contre la Fédération de Russie pour tenter de la mettre hors d'état de nuire. Alors, les Russes se préparent naturellement aux représailles, tout comme l'attaque du 15 mars où ils avaient signalé, ils avaient rappelé à l'œuf les manœuvres américaines au-dessus de la mer Noire. Et lorsqu'ils ont rappelé les Américains à l'œuf et qu'ils n'ont pas osé suivre les directives de la Fédération de Russie, alors la défense a mis hors d'état de nuire ce drone Reaper MQ-9. Donc, pour nous, il est question de voir que un an après le conflit a changé de face. Le conflit est passé de la phase de la confrontation connue, de la confrontation entre les deux armées, c'est-à-dire l'armée de la Fédération de Russie et la coalition, parce que ce n'est pas l'Ukraine, la coalition OTAN avec l'Ukraine. Donc, nous voyons qu'on a atteint une nouvelle phase de la lutte, une nouvelle phase du combat qui consiste à utiliser des moyens lâches pour atteindre l'objectif. Donc, la Fédération de Russie aujourd'hui doit prendre des dispositions adéquates pour ne pas subir ce type d'attaque. Fort heureusement, le dispositif de sécurité a réagi promptement en mettant hors d'état de nuire ce drone d'attaque. Donc pour nous, Madame Capen, nous constatons le changement de phase, le changement d'option de cette guerre. Cette guerre aujourd'hui, elle devient une guerre lâche où il faut assassiner, où il faut mettre hors d'état de nuire le commandant en chef des forces de la Fédération de Russie qui se trouve être Vladimir Poutine. Je pense que la Fédération de Russie a les moyens d'attaque, a les moyens suffisants pour parer à pareille éventualité. D'ailleurs, les correspondants d'Afrique Média qui sont allés toucher la chose du doigt sont en train de nous montrer une autre phase, comment la Fédération de Russie se prépare, non seulement dans cette guerre, mais aussi et surtout dans des théâtres d'opérations où elle serait invitée par un État, que ce soit

l'espace médiatique avec ça. Parce que ils vont dire, si on est capable de faire arriver un drone au-dessus du Kremlin, ça veut dire qu'on est capable de se débarrasser de Vladimir Poutine quand on le... La première question est de savoir si le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les gens ont déjà vu les Russes épiloguer sur ces choses. Quand on a fait sauter le pont de Crimée, vous les avez vus envahir la presse, raconter un million d'histoires. Ils ont d'abord réparé le pont, ils l'ont remis en circulation et ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Vous avez deux stratégies. Les Russes ont clairement une stratégie qui est très différente de la stratégie occidentale. Et cette stratégie n'est pas une stratégie de destruction. Si la stratégie des Russes était de détruire, je suis sûr qu'ils auraient rasé une bonne partie, ils auraient rasé l'essentiel de l'Ukraine déjà. Ce n'est pas leur stratégie. La stratégie de l'Occident, on l'a vu dans toutes les guerres occidentales. Jonathan Battengen a parlé de la Première Guerre mondiale, conflit extraordinaire, 70 millions de morts, c'est-à-dire qu'on a eu l'équivalent d'un pays comme la France qui a disparu de la surface de la planète. Deuxième guerre mondiale, 140 millions de morts. On suppose que tous ces chiffres sont très approximatifs et qu'ils ne représenteraient probablement même pas la moitié de ceux qui sont morts, parce que personne n'est allé comptabiliser les blessés qui sont morts par la suite, ceux qui sont morts parce qu'on n'a pas pu les soigner, les femmes qui n'ont pas pu accoucher dans de bonnes conditions. C'était probablement 2 à 3 fois plus. Les guerres coloniales françaises, par exemple, c'était quoi dans notre pays, le Cameroun? C'était de raser, de regrouper les gens dans des petits points et de raser le plus possible. Ils l'ont fait en Algérie, c'est ce qu'ils ont fait au Vietnam, ils l'ont fait partout. Ça a toujours été comme ça. Vous prenez les guerres américaines, que ce soit en Irak, en Afghanistan, au Koweït, ça a toujours été ça. Au Vietnam, partout ça a été ça. Ce qu'ils ont fait à Hawaï, ça a toujours été ça. Vous prenez toutes les guerres anglaises, un peu partout, ça a toujours été ça. La stratégie de la Russie n'est clairement pas de détruire et de raser le reste de les autres, les territoires des autres. La stratégie est de s'assurer de quelque chose qu'on a peut-être très vite oublié, mais dont parlait le ministre M. Sergueï Lavrov quand il parlait de l'ADN des civilisations. Tout ce qu'il cherche à raser vise à détruire l'ADN des civilisations, c'est-à-dire qu'il vise à s'assurer que dans le monde n'existe plus que eux et que les autres puissent disparaître. C'est ce contre quoi la Russie s'est levée. Donc, s'il y a une attaque de drone au-dessus du Kremlin, la Russie ne va pas en faire ne va pas se lancer dans l'escalade verbale. Pas du tout. Parce que en se lançant dans l'escalade verbale, on se prive du temps, de l'énergie et de la capacité de s'asseoir, de réfléchir et de formuler une stratégie efficiente. Donc, il s'est passé quelque chose. Reste aujourd'hui, 1, identifier d'où venait le drone. Parce que personne n'a dit, il ne semble pas qu'il y ait quelqu'un en Russie qui ait déjà dit que le drone venait de tel ou tel endroit. Sauf si cette information m'a échappé. Première chose. Aucune information à ce niveau. Bien. Deuxième chose, la Russie, on peut quand même lui reconnaître la capacité d'analyser des débris. Je crois que c'est le minimum. Et en les analysant, d'identifier la provenance donc de ce drone. Donc, je crois que les Russes se donnent le temps de ne pas commettre des erreurs. Et aujourd'hui, quand on sait quel est le nombre de mercenaires et de soldats étrangers qui ont été faits prisonniers à Bakhmout, on va doucement. On va sûrement. On prend la peine de s'assurer qu'on maîtrise chaque étape. Après chaque étape, on maîtrise effectivement le terrain qui est à la fois les territoires, mais pas seulement les territoires physiques, c'est aussi les territoires mentaux, les territoires intellectuels, les territoires géopolitiques, les territoires géostratégiques, mais également les territoires du renseignement, par exemple. Et donc, compte tenu de tout cela, je pense qu'en fait, nous sommes en train de nous poser des questions qui sont certainement intéressantes, légitimes, mais les questions qui sont les plus, si vous voulez, celle qui nous permettrait d'avoir une compréhension proche de celle qu'on a l'habitude de voir les Russes avoir, c'est-à-dire qui tient compte de leur méthode. Et j'ai bien entendu dire que la Russie, généralement, agit avec, prend son temps, prend du temps et agit dans la profondeur, c'est-à-dire se projette en toute action. Je crois que c'est cette façon de faire qu'il faut. En réalité, nous, les Africains, de façon spécifique, devons éviter toute escalade verbale dans ce conflit. C'est justement l'un des pièges de communication et l'un des pièges géostratégiques que l'Occident nous tend. D'en dire plus qu'il n'en faut, d'en dire trop, d'en dire tellement que le moment venu, on puisse nous opposer ce que nous avons dit. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important pour les grandes nations. Il n'y a pas eu de destruction matérielle. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et donc, on va revoir les protocoles de sécurité dans le cas où c'est un drone d'attaque. On va revoir les protocoles de sécurité, on va les ajuster. C'est comme ça que les grandes nations fonctionnent. Les pays calmes fonctionnent. Les pays sérieux, respectueux fonctionnent. Et on va ajuster les actions qui permettent d'anticiper ce genre de choses. Ça peut être dans ces mesures de sécurité autour du Kremlin, les mesures de sécurité autour des membres du gouvernement et des personnalités critiques, des mesures de sécurité autour des zones sensibles, les mesures également, si vous voulez, d'action anticipative dans le territoire ukrainien et à travers le monde, qui peuvent être à la fois des mesures militaires, mais qui peuvent aussi être des mesures purement diplomatiques, qui peuvent aussi être des mesures de rétorsion dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, scientifiques ou même au niveau spatial. Donc, aujourd'hui, je crois que notre position à nous, les Africains, parce que ça nous fait sourire un peu toute cette logorée qui consiste à expliquer tout et n'importe quoi, à imaginer ce que les Russes ont dit et n'ont pas dit, à imaginer ce que les Russes vont faire et n'ont pas fait, ça nous fait un peu sourire parce que ce monde de violence n'est pas notre monde africain. Et ce monde de violence, ce monde de barbarie n'est pas notre monde africain. Et nous estimons que ce qui se passe là, au niveau du Kremlin, je pense qu'au fond, ça nous amène à nous poser une question essentielle. Qui a tant besoin d'un conflit mondial? Qui a vraiment besoin d'une déflagration internationale? Manifestement, ce ne sont pas les Russes. Clairement, ce ne sont pas les Africains. Nécessairement, ce ne sont pas les Asiatiques. Et donc, clairement, et encore moins les Arabes. Et donc, clairement, ça vient de quelque part. Et on voit très bien que c'est de quelque part qu'il y a beaucoup de choses se disent. Il y a beaucoup de pseudo-experts qui disent tout et n'importe quoi. Il y a énormément de chroniqueurs, d'experts qui disent tout et n'importe quoi, qui sont capables même de savoir quelle est la couleur du sous-vêtement de Poutine, et qui savent, qui l'ont consulté, qui sont ses médecins, et savent mieux que les Russes eux-mêmes son état de santé. Je suis même très surpris qu'il n'ait pas dit que le drone l'aurait blessé. Donc c'est déjà ça. Donc aujourd'hui, je pense que ce que nous avons à faire, Mme Capen, nous autres Africains, c'est de rappeler à tout le monde que si on veut que nous en disions plus qu'il n'en faut sur ce conflit, on se trompe. C'est d'imaginer que on va nous faire croire qu'on va avoir peur, on va nous faire avoir peur d'un conflit international ou d'une guerre mondiale. Et donc, on va commencer à nous pousser à vouloir nous interroger sur les capacités des Russes à se protéger. Il faut laisser ça. Ce n'est pas notre histoire. Nous ne sommes pas là pour... Les Russes savent ce qu'ils sont faire, sont de grands garçons. Notre rôle, c'est de nous assurer, de nous interroger sur les risques géopolitiques liés à toute cette logorée, à toute cette escalade verbale totalement inutile et ridicule que nous observons dans un certain nombre de médias qui se sont donné pour rôle de diaboliser les Russes, de faire avancer un conflit qui avait déjà connu sa conclusion. Vous savez qu'il y a un mois après le début du conflit, Russes et Ukrainiens s'étaient entendus en Turquie pour mettre fin à ces conflits. Et M. Johnson, Boris, est allé voir le président Zelensky et lui a demandé de ne pas signer cet accord de paix. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez des situations comme celle-ci, posez-vous toujours la question de savoir ceux qui parlent beaucoup là. Quel est l'enjeu pour eux? Qu'est-ce qu'ils visent comme objectif? Quels sont les intérêts qu'ils cherchent à défendre? Est-ce que ces gens qui se prennent pour ceux qui lisent tout ce que Poutine fait sur des boules de cristal. Est-ce que ces gens-là ont pensé aux 600 millions d'Européens qui ont besoin de paix? Est-ce que ces gens ont pensé aux 327 millions d'Américains qui ont besoin de paix? Est-ce qu'ils ont pensé à ces gens-là? Le G7, parce que ces gens viennent essentiellement, sont recrutés essentiellement au G7 et leurs alliés proches, est-ce que ces gens-là ont pensé que les 600 millions ou 700 millions de la population du G7 ont besoin de paix et sont pas du tout d'accord avec ça? Il suffit de lire dans un stand de fora, les gens ne sont pas d'accord avec une conflagration mondiale. Donc, nous ne devons pas leur emboîter le pas avec un langage martial qui va laisser croire que, mais vraiment, ils sont allés faire ça, il va falloir... Non, pas du tout. Si on rentre dans ce langage-là, on devient comme eux. Et nous n'avons pas besoin de devenir comme eux parce que nous ne sommes pas eux. Nous n'avons jamais été comme eux, nous ne serons jamais comme eux. Quand je parle d'eux, je parle de tous ces gens qui sèment la violence aux quatre coins du monde et qui pensent que les êtres humains ne peuvent vivre que dans le conflit parce qu'ils ont bu, ils ont lu deux pages de Hegel, ils ont lu la question du maître et de l'esclave et ils pensent que dans le monde, il ne peut y avoir que deux camps, les esclaves et les maîtres. Et donc, eux, ils se considèrent comme les maîtres de l'univers. Le reste du monde doit être les esclaves et la Russie fait partie des esclaves de toutes les façons. Nous n'allons pas rentrer dans leur langage, dans leur escalade verbale. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. La Russie et ses alliés vont faire ce qu'ils ont à faire. Et nous verrons très bien, d'ici quelques temps, si les populations de leur G7-là, si elles vont continuer à supporter ça. Je suis déjà fort surpris, il faut les laisser. C'est pour ça que je dis déjà, ils racontent ce qu'ils veulent. Pourquoi ils engagent le débat sur la levée du gel des avoirs des Russes? Et après, on envahit toute la presse avec une histoire de drone qui est à dormir debout. Ce qu'il y a à cacher, on le sait. Les gens veulent provoquer une guerre mondiale, mais cette guerre mondiale n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu parce que, contrairement à ce qu'ils croient, le monde informe, leur propre population informe le reste du monde de ce qui se passe, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent ne passera pas, ne viendra pas nous mettre dans une situation où nous allons tous devenir des soldats, alors que nous ne sommes pas tous des soldats, et où nous allons devenir des hommes politiques sans horizon et sans envergure, qui n'ont pour seule capacité que d'appuyer sur, de demander à des jeunes gens de chez eux, qui avaient besoin d'aller à la plage, qui avaient besoin d'aller se balader, qui voulaient lire deux ou trois livres, mais on les envoie mourir à Bakhmout et un peu partout. Je pense que ça, ne nous laissons pas embarquer dans ce débat-là qui consiste à dire « Oui, on a voulu tuer Vladimir Poutine. » Est-ce que les Russes ont dit ça? Les Russes vous ont dit qu'on a voulu tuer leur président? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que... Parce que j'entends beaucoup de bavardages. Vous avez vraiment le sentiment que ils vont pouvoir tuer le président russe parce qu'ils ont décidé qu'ils vont le tuer? Il a l'habitude de tuer Poutine. Un pendu ne meurt pas noyé. Si un jour il faut que l'Occident, que ce soit l'Occident qui tue Poutine, ça arrivera. Mais si ils croient que eux ils vont prendre la décision de le tuer, ça n'arrivera pas. Là, ils ont décidé qu'ils veulent le faire arrêter par la CPI. Mais la Russie n'est pas partie liée à cette affaire. Et j'entends les Russes qui essaient, les Ukrainiens qui essaient de se justifier en disant oui, mais on le laisse au tribunal. Quel tribunal? Citez-moi un seul pays dans le monde où on va l'arrêter. Aux États-Unis, quand il ira à l'ONU, vous croyez vraiment? Vous croyez qu'on pourra l'arrêter là-bas? En Afrique du Sud, il va en août. Vous pensez qu'on va pouvoir l'arrêter là-bas? Je pense qu'il y a un langage, une orientation, une perspective, un point de vue sur cette question russe que nous devons refuser. Les Occidentaux ne vont pas nous faire dire ce qu'ils disent. Ils ne vont pas nous faire répéter ce qu'ils répètent. Ils ne vont pas nous faire ergoter sur des choses qui n'ont aucun fondement et sur lesquelles on n'a aucune preuve parce que ça leur plaît de se plaindre et de jouer les victimes à longueur de décennies et de siècles. Ça, c'est terminé. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de grands garçons. C'est un monde d'adultes où on se tait et on cherche la paix avec les autres. On ne cherche pas du tout les petites bagarres de cours de récréation. Alors, docteur Yann Timba, vous le savez si bien, on ne saura empêcher aux uns et aux autres, hein, sur la toile, sur les réseaux sociaux, ou alors dans des plateaux télévisés, de dire ce qu'ils pensent. Voilà, c'est vrai que votre intervention également, votre analyse vise à recadrer les uns et les autres sur des plateaux télévisés que vous avez eu l'occasion voilà, de regarder. Mais la réalité est qu'il y a eu un survol de drones du côté de la Fédération de Russie. Une dénonciation a été faite par les autorités de Moscou, un communiqué de la présidence russe a été publié. Ce que je dis, c'est que ce qui suit, évidemment que les autorités allaient réagir, mais ce que je dis, c'est que quand vous observez la presse au niveau mondial, la question est quand même de savoir pourquoi certains semblent plus concernés par cette affaire que d'autres. Et du point de vue de l'appréciation géopolitique, ce que je dis, nous les Africains, je ne veux pas empêcher les gens de parler, je donne simplement, si vous voulez, un conseil, je fais une suggestion, c'est que, en fait, il ne faudrait pas qu'on perde de vue que c'est un piège stratégique lorsque vous en dites trop, lorsque vous exprimez trop sur quelque chose et que vous voulez même, à un moment donné, essayer de comprendre une chose sur laquelle on n'a pas encore d'éléments d'analyse factuelle. Aujourd'hui, qui sait d'où vient ce drone? Est-ce que les Russes ont dit d'où ça venait? Est-ce qu'ils ont fini d'évaluer les... Ils se sont réservés le droit de le dire. Pour des raisons propres. Parfait. Absolument. À la Fédération de Russie. Absolument. Et en même temps, Juste une petite phrase. Je crois que ce qu'il veut dire pourra être extrêmement intéressant et pourra peut-être éventuellement permettre une meilleure compréhension de ce que je dis. En fait, ce que je dis, c'est que nous, en Afrique, nous refusons d'alimenter une escalade verbale qui pourrait conduire justement à une déflagration internationale. Ce que nous disons simplement, nous pensons que les premiers concernés, c'est les Russes. Or, leur attitude nous donne une leçon, un enseignement extrêmement important. Vous prenez le temps de la réflexion et vous organisez une action telle que cela ne se reproduira plus jamais. Vous n'êtes pas dans... Vous avez vu certainement tout ce qui s'est dit. C'est-à-dire que vous avez tellement d'experts qui savent même d'où vient le drone, qui savent comment il était fabriqué, quelle est sa référence, qu'est-ce qui s'est passé. Bien. Mais là, il y a tellement de tensions au niveau international aujourd'hui que nous devons éviter d'en rajouter. C'est ça que je dis. Et après, les gens peuvent dire ce qu'ils disent, mais nous suggérons que tout le monde soit un facteur de paix dans le monde et nous devons éviter, quoi qu'il en soit, d'être le moindrement possible un facteur de guerre ou de conflit. Monsieur Jonathan Batengue, vous n'avez pas la parole. Nous sommes en train de refermer ce premier sujet. C'est juste complémentaire. Déjà, nous, ce n'est pas nous qui faisons pour le tapage autour de cette histoire. Déjà, les drones apparaissent dans les réseaux russes. C'est les réseaux russes qui publient les images. Quand vous regardez, par exemple, Donbass-Tevouchka, c'est animé par une ancienne Marines états-unienne. Elle est états-unienne, elle n'est pas russe d'origine, elle est états-unienne. Mais à cause de son engagement pour la cause humaine, cette dame, cette militaire états-unienne, a trouvé refuge en Russie. Elle anime un réseau qui s'appelle Donbass-Tevouchka. Si vous êtes dans sa page sur son réseau, sa chaîne Telegram, vous voyez les images. Moi, j'ai vu des images le 2 mai quand c'est apparu. Elle publie des images. Et dans d'autres réseaux, Telegram, c'était pareil. Vous allez sur Twitter, vous voyez les images. Vous regardez tous les médias occidentaux, les images sont là. Il y a des chaînes, on ne va pas leur faire la publicité, qui en ont fait un élément de prime time. Alors, les Russes ont eu des réactions officielles connues. Il y a eu d'abord le communiqué de presse de Peskov, le porte-parole du Kremlin, de la présidence de Russie, de la Fédération de Russie, et il a clairement dit que c'est une action qui n'a pas pu être commise sans la participation des États-Unis. Il a dit, nous avons les données, nos services spéciaux ont collecté des données. Le deuxième élément, c'est Sergueï Lavrov. Cet élément apparaît hier. Et Sergueï Lavrov est clair. Sergueï Lavrov dit, ceci n'aurait pas pu se faire sans la contribution des États-Unis. Et il dit d'ailleurs, à la fin de son propos, qui a été repris par le média TRT,

alors qu'ils avaient des visées dominatrices, destructrices, et la civilisation africaine est tombée. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, l'Afrique est concernée à plus d'un titre, premièrement. Et la guerre de la Fédération de Russie en Ukraine, c'est quoi? C'est la lutte, le combat contre l'unipolarisation de la Terre. C'est-à-dire avoir un seul centre de décision où l'Occident patronne en chef avec un gangstérisme militaire qu'on appelle l'OTAN. Tout à fait. Il faut faire attention. Et c'est pour cela que sur ce plateau d'Afrique Média, nous le disons que le moment est venu pour les Africains de se libérer pendant que cette guerre est en train de se passer. Pourquoi? Parce que dans la destruction, dans la guerre pour la destruction de l'unipolarisation, il y a nécessairement des perspectives qui s'ouvrent en Afrique, qui s'ouvrent dans le monde. Et l'Afrique doit saisir sa place dans le monde. Nous sommes le continent des matières premières. Nous sommes le continent où nous demandons que l'opinion publique africaine ait un mot à dire dans le quota décisionnel mondial. Mais regardez les Nations Unies. Regardez les membres qui ont le droit de veto. Mais l'Afrique est absente. Pourtant, sur le plan géopolitique, l'Afrique joue un rôle majeur. Madame Capin, ce qui se passe en Russie aujourd'hui, ce qui se passe entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, concerne à plus d'un titre les Africains. Et nous disons aux Africains, il faut arrêter le pacifisme, parce que depuis la nuit des temps, le pacifisme nous détruit. C'est-à-dire, nous voyons des gens venir happer nos biens, nous détruire, et nous continuons à penser qu'un jour, ils auront la conscience de dire que nous avons en face de nous un peuple comme nous-mêmes. Jamais. Dans la domination géopolitique, c'est le plus fort qui gagne. Et donc pour nous, ce qui se passe en Fédération de Russie contre la Ukraine concerne l'Afrique à plus d'un titre. Autre élément. Mais les Russes ne sont pas en train de regarder. C'était à temps. Les messages ont pondu dès le lendemain. Tout à fait. La Fédération de Russie est claire. C'est un attentat qui est dirigé contre la personne de Vladimir Poutine. Le drone, ce n'était pas un service traiteur qu'on servait à Poutine au Kremlin. Non. C'était une attaque au drone. Et d'ailleurs, maître, pendant toute la fin d'année 2022, dans les émissions, les prime time des chaînes mainstream occidentales, mais on a vu des pseudo-spécialistes, oui, des questions de l'Ukraine et de la Russie, venir faire l'apologie du crime contre le chef de l'État russe. Oui. Donc c'est la manifestation d'une volonté qui est dominante en Occident. Oui. Une minute, s'il vous plaît, maître Beaumont. Une minute. Vous avez une minute encore. Alors, dans mon précédent exposé, j'ai parlé de l'attaque du 15 mars dernier, le drone Reaper. C'était un drone américain qui a violé la zone de surveillance que la Russie a rendue publique au monde entier en disant à partir d'ici, nous sommes en territoire, nous sommes sur l'espace surjacent de la mer Noire qui appartient à la Russie et nous ne voulons pas que d'aéronefs étrangers franchissent cette zone. Pendant 30 à 40 minutes, deux Sukhoi russes ont tenté de conduire le drone américain Reaper qui est un drone d'attaque. Alors, le drone a insisté. C'est en ce moment que les Russes ont utilisé une attaque en versant du fuel sur le drone et le drone ne pouvait plus continuer à voguer, ne pouvait plus continuer à voler. Dans cet espace, le drone a été abattu. Mais vous pensez que c'était les bisounours? Mais à plusieurs reprises, et quand vous suivez les messages qui sont venus, que ce soit du côté du Pentagone ou du côté de la Fédération du ministère de la Défense russe, mais les Russes ont dit, les Américains exagèrent parce que cette activité fait déjà légion. à tout moment, ils sont prêts à franchir et les drones, un drone comme le drone Reaper, donne des informations à l'Ukraine et ce sont des informations qui permettent à l'Ukraine de frapper la Fédération de Russie dans son cœur. C'est une technologie que l'Ukraine n'a pas pour preuve. Lorsque le drone est descendu, le porte-parole du Pentagone a dit « Sur les lieux, les Américains n'ont pas d'appareil pour aller repérer le drone qui se trouve à des milliers, à des kilomètres au fond de l'océan. » Entre-temps, la Fédération de Russie a repêché le drone et a puisé toute la technologie. Mais quand vous avez des escalades pareilles, vous pensez que c'est le plat de nuit, c'est le bisounou? Non! La guerre est en train de prendre d'autres dimensions. C'est la raison pour laquelle le Kremlin n'a pas attendu Dmitri Peskov. Ils sont clairs. Ils disent c'est une attaque qui est dirigée contre la personne de Vladimir Poutine, ce qui n'est pas faux. Aujourd'hui, en Occident, on sait que le chef d'État, le patron des forces armées russes, le chef d'État, le commandant en chef des forces armées russes, qui se trouve être Vladimir Poutine, s'il n'est pas vivant aujourd'hui, la donne va changer. Mais les médias occidentaux ont même prévu des empoisonnements pour Vladimir Poutine. Là, c'est toujours des attaques. C'est pour ça que j'ai parlé d'une guerre désormais asymétrique. Parce que lorsqu'on ne maîtrise plus du côté où viendra l'ennemi, alors on entre dans l'asymétrie de la guerre. Et la Russie est en pleine guerre. Pour nous, les Africains, je pense que nous le disons sur ce plateau parce que même nos émissions, nous sommes en combat. Si nous n'étions pas en combat, Bandakani et moi et tous les autres, nous aurons abandonné il y a 10 ans. Parce que nous avons tout suivi sur ce plateau au commencement. Il faut dire aux Africains que le pacifisme a détruit l'Égypte. Lorsque vous lisez comment est-ce que nos biens se sont retrouvés ailleurs, les Aristote qui n'étaient pas des écrivains connus dans le monde, lorsque l'Égypte noire a été détruite, ils sont devenus des écrivains de plusieurs ouvrages. Ils ont brûlé la bibliothèque. Ils ont brûlé la bibliothèque. La bibliothèque d'Alexandrie. D'Alexandrie, ils ont tout brûlé à cause du pacifisme. Il ne faut pas continuer à nous dire que ce qui se passe ne concerne pas les Africains. Non ! Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Africains, nous sommes en guerre. Et la guerre que nous évitons, nous allons la faire pour nous libérer. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui s'est libéré dans la morale. On se libère dans le combat. En une minute, s'il vous plaît, le temps de donner la parole à M. Tefousmane pour refermer ce premier sujet. Je pense qu'il faut, quand nous sommes sur le plateau de télévision, il faut qu'on s'écoute. On n'est pas là pour... c'est pas un meeting politique. D'accord? C'est pas... nous ne sommes pas des adversaires politiques qui sont en train de briguer un poste électif et qui ne s'écoutent pas. Il faut qu'on s'écoute très bien. Si on ne prend pas la peine de s'écouter, ce qui est une qualité exceptionnelle et je crois très valorisée en Afrique, on va commencer à dire des choses qui n'ont jamais été dites. Peut-être parce qu'on n'a pas compris, peut-être parce qu'on était occupé sur son téléphone ou sur le laptop, sur la table, ou parce que malheureusement on a un point de vue qu'on n'arrive pas à... duquel on n'arrive pas à dériver vers quelque chose d'autre. Personne ne vous a dit ici qu'il fallait être pacifiste. Mais personne ne vous dit que vous avez besoin, alors que ce n'est pas vous qui faites la guerre, de jouer les tontons macoutes en faisant de l'escalade verbale, en voulant dire que les Russes doivent absolument faire ci ou faire ça. C'est ça que je dis non. Ce n'est pas les Africains qui font la guerre là-bas en Ukraine. C'est les Russes. C'est à eux d'avoir ce point de vue. Personne n'a dit que les Russes n'avaient pas réagi. Mais ce que j'ai dit, c'est que les Russes n'avaient pas dit d'où venait ce drone, qui l'avait fabriqué. Ils n'ont jamais dit que c'était un drone américain. Ils n'ont jamais dit que ce drone... PD2. Non, attention, laissez-moi parler. Ils n'ont jamais dit, ce que M. Peskov a dit, c'est qu'ils allaient réagir. Et ils ont toutes les données. Laissez-moi finir. Tout à l'heure, on ne va pas parler. Si vous parlez ensemble, si vous en parlez tous ensemble, c'est moi qui modère. En fait, c'est ça le problème. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est ça justement le piège géostratégique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez des Africains qui parlent comme c'est eux qui faisaient la guerre en Russie. Quelle est cette histoire où les gens commencent à penser en Afrique que se lancer dans l'escalade verbale, c'est ça la voie qui permet de libérer l'Afrique. Vous vous lancez dans l'escalade verbale que vous n'avez aucune stratégie concrète pour libérer l'Afrique. Vous ne faites rien chez vous et vous avez les Russes sont en train de faire ce qu'ils ont à faire. Vous, vous êtes là, vous pensez que parce que vous parlez à la télé, c'est ça qui va libérer l'Afrique. Ce n'est qu'une partie, ce n'est pas tout. Ce n'est qu'une partie, le fait que vous parliez là. Donc, je dis encore ceci. Moi, je ne suis pas là. Et ne vous faites pas défenseur des intérêts russes plus que les Russes. Quand je parlais des gens qui sont dans l'escalade verbale, je n'ai pas parlé de vous. Parce que vous ne m'avez pas écouté, vous l'auriez entendu, vous l'auriez compris. Je vous parlais des médias occidentaux et je l'ai dit plusieurs fois. Et vous ne m'avez pas écouté. Et je parlais de l'escalade verbale, compte tenu, et j'ai insisté là-dessus, du fait de tout ce qui s'est fait et qui s'est dit depuis que ce conflit a commencé. Je ne parlais pas de vous. Mais si on ne s'écoute pas, si on n'est pas là pour causer, pour discuter, mais on est là pour que chacun dise ce qu'il pense. À la fin, je vais dire noir, vous allez penser que j'ai dit blanc et vous allez vous lancer dans le truc de blanc. Si vous commencez à dire en Afrique aujourd'hui que le fait de demander que le monde travaille ensemble à éviter une conflagration mondiale, si vous commencez à demander qu'on n'interpelle pas les opinions publiques des pays occidentaux, pour que ces opinions publiques se lèvent et disent à leur peuple, à leurs dirigeants, d'arrêter cette voie qui risque de nous conduire à la conflagration mondiale, je me demande bien si en Afrique, vous croyez que le fait de le dire comme ça, c'est ça qu'on appelle le pacifisme. Et si vous pensez que être un homme de paix est une faiblesse, alors vous n'avez rien compris à la vie, à la géopolitique. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes devenu exactement comme le Sarkozy qui dit que l'Europe est sauvage, barbare et brutale. Est-ce que les Africains ont besoin de devenir ça pour se sentir grand, pour sentir tout d'un coup qu'ils sont devenus des hommes? Nous n'avons pas besoin de ça, messieurs. Nous n'avons pas besoin de devenir barbare, sauvage et brutale. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de nous assurer que quand le monde, quand ça pétarade partout dans le monde, la voie de la sagesse soit la voie de l'Afrique. Dans la même que la voie de l'Afrique. Donc, Yann Timba, avant de vous redonner la parole, pour 30 secondes, s'il vous plaît, on respecte les avis des uns et des autres. S'il vous plaît. En 30 secondes, s'il vous plaît. Je ne comprends pas comment vous, ce que vous entendez par respecter les avis des. Je ne dois pas du tout dire ce que j'ai à dire et leur dire. Je pense qu'on devrait aller dans ce. Est-ce que la même alien devrait aller dans ce. Vous avez tout le droit de le faire, mais dans le respect. Monsieur Batengene, s'il vous plaît. Monsieur Batengene, permettez. Il faut absolument que nous soyons en train de. Alors, vous voulez que dans, sur ce plateau, tout le monde soit en train de dire aux Russes allez faire la guerre? C'est ça, respecter la vie des gens? Ils le font déjà. Respecter le point de vue des uns et des autres. Également, ils doivent respecter votre point de vue. Vous ne leur avez pas dit ça quand ils parlaient de moi. Malheureusement, ils n'ont même pas entendu. Ils n'ont pas fait attention à ce que je disais. Parce qu'en fait, j'ai entendu des gens qui parlaient d'autres choses que ce dont moi j'ai parlé. Et qui m'indexaient là-dedans, alors que je n'ai pas dit ça. Ce que je dis est ceci. Je ne suis pas en train de parler d'eux. Je ne parle pas d'eux, je ne parle pas de leur point de vue. Je suis en train de dire ce par quoi j'ai commencé. Les Africains n'ont pas à devenir des gens qui versent dans l'escalade verbale. Ils n'ont pas à croire qu'ils doivent devenir violents. Si vous dites que vous êtes contre le pacifisme, ça veut dire que vous êtes belliqueux. Les Africains n'ont pas à devenir belliqueux pour se faire entendre. Les Africains n'ont pas besoin de devenir belliqueux, brutaux, barbares et sauvages pour qu'ils soient pris en considération dans le monde. Les Russes, vous les entendez crier? Ils ne crient pas. Ils ne crient pas du tout. Et tous les jours, ils appellent à la paix alors que c'est eux qui sont en conflit. C'est leurs soldats qui meurent en Ukraine. Mais eux, ils appellent à la paix. D'où vient-il donc que des Africains assis à Douala pensent que si quelqu'un appelle à la paix, cette personne est contre la libération de l'Afrique. Ils appellent à la paix. Laissez monsieur le finir. Monsieur Batengene, s'il vous plaît. Docteur Yam, vous chutez, s'il vous plaît. Vous chutez. Monsieur Batengene, permettez, il chute. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que je ne peux même pas achever mon propos. Donc, je dis ceci. Je dis ceci, madame. Celui qui aime la paix ne doit même pas fabriquer le couteau. Satan, ne. Monsieur Tefousmane, monsieur Tefousmane. Je ne parle pas. Celui qui aime monsieur Tefousmane, je renvoie la parole. Si on n'est pas poli sur ce plateau, je remets la parole à monsieur Tefousmane pour refermer ce premier sujet. Monsieur Tefousmane. Si j'ai bien compris. Enfin, monsieur Tefousmane, vous avez la parole. Selon vous, à qui profite cette. À qui profite justement une déflagration mondiale? En quelques mots, s'il vous plaît, nous refermons ce sujet pour parler de la Guinée équatoriale. Très bien. Ben, je pense que le but recherché avant tout par rapport à l'attaque des drones, c'est le but de rechercher, c'est de démoraliser l'adversaire, c'est-à-dire les Russes. A priori, les Ukrainiens se sont lancés dans une guerre, ce qu'on appelle hybride. Tout à l'heure, on a parlé d'une guerre asymétrique. Le mot exact, c'est beaucoup plus une guerre hybride qui fait recours justement à des forces asymétriques pour mener la guerre au nom des gens qui sont, on va dire, potentiellement donc intéressés par cette guerre, à savoir les Américains. Alors, si on devait analyser de près cette attaque, on voit bien que les Ukrainiens, encore une fois, on risque de le répéter, ont lancé un message à l'endroit des Russes, comme quoi nous avons les moyens de vous atteindre à n'importe quel moment et n'importe où. Et là, on voit que les Ukrainiens ont quelque part pas réussi leur pari, mais ils ont quand même laissé un message aux Russes. Et on voit bien que les Russes ne vont pas tomber dans le panneau, ils vont organiser les festivités du 9 mai, et on voit bien aussi que cette guerre qui aujourd'hui risque, je rejoins là où je rejoins le dernier intervenant, risque justement de connaître une ampleur telle que celle que nous avons connue à la première ou deuxième guerre mondiale. Mais là où je diverge avec lui, c'est pas une guerre de troisième guerre mondiale, ça sera une guerre nucléaire. Et c'est là où justement il faudrait analyser les choses objectivement et surtout comprendre les tenants, les aboutissants de tout ce qui est en train de se tramer du côté américain. Parce que les Américains, ils sont en train de perdre ce qu'on appelle le monopole de l'hégémonie mondiale, on le voit bien, ils se sont aventurés à Taïwan, en Ukraine, et même aujourd'hui au Soudan, on a vu que les Américains ont allié, on va dire, s'allier plutôt M. Hamiti, avec lequel ils ont ce qu'on appelle des pourparlers secrets. On voit bien que Hamiti aussi est allé en Israël pour justement recevoir ses ordres, et on voit bien que les Américains sont toujours derrière on va dire, tout cet esprit bellico, c'est toujours les Américains qui sont derrière pour justement retarder l'émergence de ce nouveau monde. Le président algérien, Fabi Boinkier, avait parlé donc des changements de rapport des forces immédiats et qu'il fallait donc aider justement les Russes. Il avait dit, bien sûr, sur des paroles déguisées, hein, il avait dit qu'il fallait donc aider le monde nouveau à émerger de manière continuer et surtout à dire non aux puissances occidentales. Et malheureusement, on en est là aujourd'hui. Et ma foi, donc, je pense que j'ai fini mon propos. Voilà, tout simplement. Afrique Média, le monde, c'est nous.